Bonjour à toutes et à tous. Je réalise depuis plusieurs mois une version audio du Progrès de l'Est, journal qui a vu le jour à Sherbrooke le 25 août 1883. Je présenterai ici ces articles tirés du Progrès de l'Est qui parlent de ce qui se passait dans notre région à l'époque. Cet extrait, tiré de l'édition du 8 septembre 1883, nous parle d'un cas d'empoisonnement à Bulwer. Empoisonnement. Le dimanche soir, 20 août dernier, mourait subitement à Bulwer, canton d'Eaton, à environ 12 milles de Sherbrooke, M. S. E. Coates, négociant, âgé de 27 ans. Cette mort a surpris, à bon droit, les amis et les parents du défunt, car seulement 20 minutes auparavant, il était en parfaite santé. La première excitation passée, quelqu'un s'avisa cependant d'avertir le coroner du district qu'il vaudrait peut-être mieux tenir une enquête. Le lendemain, cette formalité fut remplie et le docteur Tabb, de notre ville, et le docteur Hopkins, fils de Cookshire, furent appelés à faire l'autopsie du cadavre. Leur attention n'ayant pas été appelée d'une manière spéciale sur aucune particularité, ils tirent un rapport général constatant l'état sain et normal du cadavre. Mais bientôt, des rumeurs étranges commencèrent à circuler touchant les circonstances de la mort et surtout les faits et gestes de l'épouse du défunt. La conséquence fut qu'on envoya à Montréal l'estomac pour en faire l'analyse et qu'on constitua prisonnière la jeune veuve. Celle-ci n'est âgée que de 28 ans, fort jolie femme, et elle jouit de la réputation d'être une coquette avancée. Le motif qui a déterminé son arrestation est celui-ci. La semaine précédant la mort de son mari, M. T.J. Tuck, pharmacien de notre ville, reçut par la poste une lettre portant le timbre de Bulwer avec la signature de F. King, le priant de vouloir bien envoyer, contre les 50 cents inclus dans l'enveloppe, de la strychnine à un certain docteur Fitzsimon, alors en prétendue visite à Bulwer. La commande fut dûment exécutée. Or, il advint que ce fut Mme Coates en personne qui se présenta à la poste pour retirer l'envoi sous le nom de docteur Fitzsimon. Depuis, les médecins analystes ont mandé de Montréal qu'ils ont trouvé de la strychnine dans l'estomac du défunt. L'enquête doit se continuer prochainement devant le coroner, mais, en attendant, l'instruction préliminaire se poursuit devant M. G. E. Rioux, magistrat du district. L'accusée est fille de M. Alfred Rogers, riche fermier du canton d'Eaton. Toutes les parties concernées appartiennent à des familles très bien placées dans les cantons. Le défunt jouissait d'une excellente réputation et avait de nombreux amis. Pas moins de 800 personnes assistaient à ses funérailles qui ont été conduites avec les honneurs maçonniques. Comme toujours, il y a au fond de l'affaire une question d'amour. Le jeune homme sur qui planent les soupçons appartient aussi à une famille considérable de l'endroit. On dit qu'il s'est enfui. Il paraît que le ménage n'était pas heureux, quoique ces jeunes gens ne fussent mariés que depuis 4 ans. Ils vivaient sans enfants. L'affaire a causé beaucoup d'émoi dans la ville et le district, et on attend avec impatience les nouveaux détails. On dit que le père de l'accusé a offert 100 000 $ aux autorités pour empêcher sa fille de coucher en prison. Mais rien n'y a fait et la justice a suivi son cours. La belle prisonnière gémit maintenant dans les cachots de la vanité et des choses humaines. Mardi dernier, l'instruction préliminaire s'est terminée devant M. Rioux. L'accusé a été finalement écroué dans les prisons en attendant son procès, qui aura lieu ici au commencement d'octobre. Le père de la jeune femme était vivement ému et elle-même paraissait être sous l'effet d'une émotion indicible. Elle prétend qu'elle est la victime des circonstances et qu'elle n'est point coupable.